220e nuit. Quand Marzavan eut achevé son compliment en vers, qui surprit le prince Camaralzaman si agréablement, le prince prit la liberté de faire signe de la main au roi son père de vouloir bien sauter de sa place et de permettre que Marzavan s'y mît. Le roi, ravi de voir dans le prince son fils un changement qui lui donnait bonne espérance, se leva, prit Marzavan par la main et l'obligea de s'asseoir à la même place qu'il venait de quitter. Il lui demanda qui il était et d'où il venait. Et après que Marzavan lui eut répondu qu'il était sujet du roi de la Chine et qu'il venait de ses états. « Dieu veuille, dit-il, que vous tiriez mon fils de sa mélancolie. Je vous en aurai une obligation infinie, et les marques de ma reconnaissance seront si éclatantes que toute la terre reconnaîtra que jamais service n'aura été mieux récompensé. » En achevant ces paroles, il laissa le prince, son fils, dans la liberté de s'entretenir avec Marzavan, pendant qu'il se réjouissait d'une rencontre si heureuse avec son grand vizir. Marzavan s'approcha de l'oreille du prince Camaralzaman, et en lui parlant bas. « Prince, dit-il, il est temps désormais que vous cessiez de vous affliger si impitoyablement. La dame pour qui vous souffrez m'est connue. C'est la princesse Badour, la fille du roi de la Chine qui se nomme Gaïour. Je puis vous en assurer sur ce qu'elle m'a appris elle-même de son aventure et sur ce que j'ai déjà appris de la vôtre. La princesse ne souffre pas moins pour l'amour de vous que vous souffrez pour l'amour d'elle. » Il lui fit ensuite le récit de tout ce qu'il savait de l'histoire de la princesse, depuis la nuit fatale qu'ils s'étaient entrevus d'une manière si peu croyable. Il n'oublia pas le traitement que le roi de la Chine faisait à ceux qui entreprenaient en vain de guérir la princesse Badour de sa folie prétendue. « Vous êtes le seul, ajouta-t-il, qui puissiez la guérir parfaitement, et vous présentez pour cela sans crainte. Mais avant d'entreprendre un si grand voyage, il faut que vous vous portiez bien. Alors nous prendrons les mesures nécessaires. Songez donc incessamment au rétablissement de votre santé. » Le discours de Marzavan fit un puissant effet. Le prince Camaralzaman en fut tellement soulagé par l'espérance qu'il venait de concevoir, qu'il se sentit assez de force pour se lever et qu'il pria le roi, son père, de lui permettre de s'habiller, d'un air qui lui donna une joie incroyable. Le roi ne fit qu'embrasser Marzavan pour le remercier, sans s'informer du moyen dont il s'était servi pour faire un effet si surprenant. Et il sortit aussitôt de la chambre du prince avec le grand vizir pour publier cette agréable nouvelle. Il ordonna des réjouissances de plusieurs jours. Il fit des largesses à ses officiers et au peuple, des aumônes aux pauvres, et fit élargir tous les prisonniers. Tout retentit enfin de joie et d'allégresse dans la capitale, et bientôt dans tous les états du roi Shahzaman. Le prince Camaralzaman, extrêmement affaibli par des veilles continuelles et par une longue abstinence presque de toutes sortes d'aliments, eut bientôt recouvré sa première santé. Quand il sentit qu'elle était bien assez rétablie pour supporter la fatigue d'un voyage, il prit Marzavan en particulier. « Cher Marzavan, lui dit-il, il est temps d'exécuter la promesse que vous m'avez faite. Dans la patience où je suis de voir la charmante princesse et de mettre fin aux tourments étranges qu'elle souffre pour l'amour de moi, je sens bien que je retomberai dans le même état où vous m'avez vu si nous ne partions incessamment. Une chose m'afflige et m'en fait craindre le retardement. C'est la tendresse importune du roi, mon père, qui ne pourra jamais se résoudre à m'accorder la permission de m'éloigner de lui. Ce sera une désolation pour moi si vous ne trouvez le moyen d'y remédier. Vous voyez vous-même qu'il ne me perd presque pas de vue. » Le prince ne put retenir ses larmes en achevant ces paroles. « Prince, reprit Marzavan, j'ai déjà prévu le grand obstacle dont vous me parlez. C'est à moi de faire en sorte qu'il ne nous arrête pas. Le premier dessein de mon voyage a été de procurer à la princesse de la Chine la délivrance de ses maux, et cela par toutes les raisons de l'amitié mutuelle dont nous nous aimions presque dès notre naissance, et du zèle et de l'affection que je lui dois d'ailleurs. Je manquerais à mon devoir si je n'en profitais pas pour sa consolation et en même temps pour la vôtre, et si je n'y employais toute l'adresse dont je suis capable. Voici donc ce que j'ai imaginé pour lever la difficulté d'obtenir la permission du roi votre père, telle que nous la souhaitons vous et moi. Vous n'êtes pas encore sorti depuis mon arrivée. témoignez-lui que vous désirez de prendre l'air, et demandez-lui la permission de faire une partie de chasse de 2 ou 3 jours avec moi. Il n'y a pas d'apparence qu'il vous la refuse. Quand il vous l'aura accordée, vous donnerez ordre qu'on nous tienne à chacun 2 bons chevaux, prêts, l'un pour monter et l'autre de relais, et laissez-moi faire le reste. » Le lendemain, le prince Kamaralzaman prit son temps. Il témoigna au roi son père l'envie qu'il avait de prendre un peu l'air, et le pria de trouver bon qu'il allât à la chasse 1 jour ou 2 avec Marzavan. « Je le veux bien, lui dit le roi, à la charge néanmoins que vous ne coucherez pas dehors plus d'une nuit. Trop d'exercice dans les commencements pourrait vous nuire, et une absence plus longue me ferait de la peine. » Le roi commanda qu'on lui choisît les meilleurs chevaux, et il prit soin lui-même que rien ne lui manquât. Lorsque tout fut prêt, il l'embrassa, et après avoir recommandé à Marzavan de bien prendre soin de lui, il le laissa partir. Le prince Kamaralzaman et Marzavan gagnèrent la campagne. Et pour amuser les 2 palefreniers qui conduisaient les chevaux de relais, ils firent semblant de chasser, et ils s'éloignèrent de la ville autant qu'il leur fut possible. À l'entrée de la nuit, ils s'arrêtèrent dans un logement de caravane, où ils soupèrent et dormirent environ jusqu'à minuit. Marzavan, qui s'éveilla le premier, éveilla aussi le prince Kamaralzaman, sans éveiller les palefreniers. Il pria le prince de lui donner son habit et d'en prendre un autre qu'un des palefreniers avait apporté. Ils montèrent chacun le cheval de relais qu'on leur avait amené. Et après que Marzavan eut pris le cheval d'un des palefreniers par la bride, ils se mirent en chemin en marchant au grand pas de leurs chevaux. À la pointe du jour, les 2 cavaliers se trouvèrent dans une forêt, en un endroit où le chemin se partageait en 4. À cet endroit-là, Marzavan pria le prince de l'attendre un moment et entra dans la forêt. Il y égorgea le cheval du palefrenier, déchira l'habit que le prince avait quitté, le teignit dans le sang. Et lorsqu'il eut rejoint le prince, il le jeta au milieu du chemin, à l'endroit où il se partageait. Le prince Kamaralzaman demanda à Marzavan quel était son dessein. « Prince, répondit Marzavan, dès que le roi, votre père, verra ce soir que vous ne serez pas de retour, ou qu'il aura appris des palefreniers que nous serons partis sans eux pendant qu'ils dormaient, il ne manquera pas de mettre des gens en campagne pour courir après nous. Ceux qui viendront de ce côté et qui rencontreront cet habit ensanglanté ne douteront pas que quelque bête ne nous ait dévorés et que je ne me sois échappé de crainte de sa colère. Le roi, qui ne vous croira plus au monde, selon leur rapport, cessera d'abord de vous faire chercher et nous donnera lieu de continuer notre voyage sans crainte d'être poursuivi. La précaution est véritablement violente, de donner ainsi tout à coup l'alarme assommante de la mort d'un fils à un père qui l'aime si passionnément. Mais la joie du roi, votre père, en sera plus grande quand il apprendra que vous serez en vie et content. Brave Marzavan, reprit le prince Kamaralzaman, je ne puis qu'approuver un stratagème si ingénieux, et je vous en ai une nouvelle obligation. Le prince et Marzavan, munis de bonnes pierreries pour leurs dépenses, continuèrent leur voyage par terre et par mer, et ils ne trouvèrent d'autre obstacle que la longueur du temps qu'il fallut y mettre de nécessité. Ils arrivèrent enfin à la capitale de la Chine, où Marzavan, au lieu de mener le prince chez lui, fit mettre pied à terre dans un logement public des étrangers. Ils y demeurèrent 3 jours à se délasser de la fatigue du voyage. Et dans cet intervalle, Marzavan fit faire un habit d'astrologue pour déguiser le prince. Les 3 jours passés, ils allèrent au bain ensemble, où Marzavan fit prendre l'habillement d'astrologue au prince, et à la sortie du bain, il le conduisit jusqu'à la vue du palais du roi de la Chine, où il le quitta pour aller faire avertir la mère nourrice de la princesse Badour de son arrivée, afin qu'elle en donnât avis à la princesse.